avant que vous partiez, je vous avais menti. Je n'avais pas tout dit. M'aimerez-vous encore? Avant de vous quitter, avant que vous partiez, il faut que vous sachiez, je n'avais pas tout dit. M'aimerez-vous encore? Oh, c'est l'heure, c'est par ces fleurs qui restent, ces heures qui blessent, laissent emporter. Oh, les morts, les corps si forts demeurent, dès lors ne meurent jamais tout à fait. Avant de vous troubler, avant de vous fâcher, je voulais vous parler des mots d'amour brisés. M'aimerez-vous encore? Avant de vous toucher, avant de vous serrer, y avait-il ce danger? Ces rendez-vous manqués, m'aimerez-vous encore? Oh, c'est là, c'est par ces fleurs qui restent, ces heures qui blessent, laissent emporter. Les corps si forts demeurent, dès lors ne meurent jamais tout à fait.